Ce que François Mitterrand avait, le point sur lequel d'ailleurs nous étions en désaccord, il avait une conception africaine du ministère. Il était donc assez réticent à l'extension, du ministère aux relations nord-sud, à la tiers-mondisation du ministère. Et d'ailleurs, nos interlocuteurs d'Afrique francophone craignaient cette évolution. François Mitterrand ne faisait que refléter cela. Et sur ce point-là, donc, il y avait des accords politiques entre le président de la République et le ministre. C'est-à-dire que j'avais transformé ce ministère en ministère du tiers-monde, contre la volonté du président de la République. Il y a eu là, à partir de ce moment-là, un décrochage dans nos relations qui rendait de plus en plus difficile l'action du ministre de la Coopération. Voilà. C'est le genre de poste où il ne faut pas rester si on n'est pas d'accord. Il y a les hommes, il y a aussi le champ d'application de la coopération, son territoire. Et là aussi, deux approches paraissent dominer la réflexion française. Écoutons dans un premier temps Michel Aurillac, alors qu'il vient d'être nommé ministre de la Coopération en avril 1986.